Radio Mont-Blanc, l'agenda. Et je vous emmène à Chamonix, puisque demain, les pionniers de Chamonix vont affronter les dragons de Rouen. Le match le 30 septembre à 20h à la patinoire Richard Bozon, évidemment, et Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des pionniers, vous offre vos invitations. Pour ça, vous envoyez pionniers sur le WhatsApp au 04 50 58 24 47. Un autre rendez-vous incontournable à ne pas louper qui va débuter ce mercredi 1er octobre, c'est Jazz Contrebande qui est de retour. De Genève à Annecy, en passant par Annemasse, ce réseau transfrontalier réunit une quarantaine de lieux pour faire vivre le jazz, mais pas que, la soul, le blues, la fusion. Et cette année encore, le festival propose une riche programmation de concerts, de masterclass et autres événements culturels. Et puis évidemment, comme chaque année, le tremplin aura bien lieu, qui mettra en lumière de jeunes talents accompagnés et programmés sur scène. Tous les détails à retrouver sur jazzcontrebande.com. Un autre grand rendez-vous de la rentrée à Annecy, comme chaque année depuis 2010, le Hi-Fi Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy, festival du ski, mais pas que, entre présentations de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées. L'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor en général. Retrouvez tout le programme sur hi-fi-festival.com.